Chapitre 42. Le bon gendarme. Où suis-je? Mon œil s'étonne et ne reconnaît pas l'étage de tour froid et nu qu'il avait coutume de voir à l'heure ordinaire de mes réveils. Des yatagans, des pipes en terre rouge incrustées de filigranes, des guéridons et des miroirs fleuris de corail et de nacre. Partout des tapis, des tentures. Et parbleu, c'est la chambre de Monsieur Honorat, celle qu'il appelle, en exagérant un peu, la chambre aux merveilles, tandis que Mademoiselle Norette, simplement, la chambre au trésor. Il paraît que je dois la vie à peu parle, toujours en chemin, dès l'aurore, et dont la subite arrivée, sur le coup de fusil, a fait fuir mon meurtrier inconnu. Des gens, par peu parle appelés, m'ont mis en travers sur un âne. On m'a porté chez les gazans, et comme l'escalier de la tour se trouvait trop étroit pour le transport d'un blessé, Saladine a pris sur elle, bonne Saladine, de transformer pour moi en infirmerie la chambre aux merveilles. Et tant pis si Monsieur Honorat se fâche, il n'aura qu'à changer ses habitudes et fumer ses pipes ailleurs. Car Monsieur Honorat n'est pas encore revenu, non plus que Norette. Il n'y a là que peu parle et Saladine. Gantôme, après avoir aidé à un premier pansement sommaire, est parti. Je ne sais où chercher le médecin. Cependant, quelqu'un se penche sur mon lit, me parlant comme à un enfant, murmurant des paroles douces. Si c'était Norette, ou seulement Monsieur Honorat. Le fin profil oriental de la fille et la grosse figure du père, d'un si réconfortant égoïsme. Malédiction, c'est un gendarme, un bon vieux gendarme à moustache couleur de cigare, avec le baudrier, le tricorne, en costume de procès-verbal. Voilà bien la quatrième fois, me dit Saladine, que depuis l'accident de ce matin, il vient demander de vos nouvelles. Tant de sollicitude me touche. Affaibli, léger de pensée, je me sens prêt à ouvrir mon cœur aux représentants de l'autorité. Cependant, sans insister, sans avoir l'air, le bon gendarme m'interroge. Il met certes des gants pour m'interroger, mais ce sont des gants d'ordonnance. Et je n'ai pas de peine, malgré mon état, à déjouer sa diplomatie, tout ensemble grossière et ingénue. Ce gendarme désireux de se faire honneur, étant relativement lettré d'un procès-verbal, rédigé sur place, voudrait savoir quand et comment et par qui j'ai été blessé. « Mais, mon Dieu, lui dis-je, monsieur le gendarme, je vous crois assez perspicace pour l'avoir tout de suite deviné. J'ai été blessé ce matin par un, j'ignore lequel, des trois piémontais employés à paver le passage d'âne et que j'avais surpris en train de piller la maison. L'ont-ils pillé au moins ?»« Hélas !» répond Saladine. On ne les a plus vus et on ne les reverra jamais. Donc, leur absence les dénonce. Ils avaient d'ailleurs, monsieur le gendarme, autant que la nuit me permettait de voir, de fortes bottes non cirées et se parler en italien. L'air fâché, bonhomme et méfiant, le gendarme m'écoutait dire. Il ajouta, « Nous avons constaté le vol et vos dépositions concordent. Nonobstant, le coup de fusil m'étonne. Ce n'est pas du fusil que se servent généralement les piémontais. J'ai pourtant reçu une balle. Sans doute, mais venant ainsi de simples piémontais, une balle n'est pas dans l'ordre. » reprit le gendarme qui, évidemment, avait ses soupçons et son idée. « Ne connaîtriez-vous pas, par hasard, quelque rival, quelque ennemi ?» Eh, pour l'amour du ciel, interrompit Saladine, laissez ce pauvre monsieur tranquille. Il va retomber en faiblesse, et j'ai eu bien tort de vous laisser entrer avant le médecin. Le gendarme s'inclina, sourit, et son sourire signifiait. Ce sont là histoires de pugés morts. Vous ne désirez pas que le gouvernement s'en mêle. À votre aise. Puis il sortit, d'un pas militaire, tandis que Saladin, jalouse avant tout de l'honneur des Gazans, heureuse du scandale évité, me jetait le seul regard aimable que je lui ai connu de sa vie. Et que peut parler, desserrant les dents, murmurait « Vous avez raison, querelle d'honnêtes gens ne regarde pas les gendarmes. Ce matin, pourtant, nul autre que nous le saura. » Il m'avait semblé reconnaître la voix du fusil de Galfard.